On ne vous a pas encore passé la parole directement au-delà de nos invités ou participants les plus proches. Bon, l'heure a dangereusement tourné, mais on va déborder un tout petit peu de 5 minutes médiales. Donc avant d'en passer à la conclusion en elle-même, surtout si vous avez des questions à poser à nos invités aujourd'hui présents, nous vous laissons la parole, que ce soit d'ailleurs par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui ou sur l'ensemble du séminaire. Il n'y a pas longtemps que la nouvelle vague, il pourrait... Johan, c'est quand qui, tu lui? Dis que les auteurs comme Godard, auteurs collectifs, ont voulu faire des films collectifs sans générique avec leur nom privé. Mais quand ils ont refait les bandes, à toi la suite. Non, mais je racontais, c'est pas Godard, c'est on va parler de ça maintenant. Non, c'est toute une discussion, mais qui serait intéressant d'avoir un moment sur... Une fois, j'avais été à un festival et il y avait des signatures collectives au générique de fin de film. Et les gens qui avaient participé à ces films-là dans la salle disaient « Tain, c'est bizarre, pourquoi on n'a pas signé de nos noms, c'est étonnant, etc. » On se cachait derrière le collectif, on aurait dû... Et quand ça a été édité plus tard en DVD, ça a été recrédité. Et je disais que ça me semblait être comme les symptômes de la disparition que le collectif est possible quelque part. Ça me semblait assez problématique que même des gens qui ont été traversés par des pratiques collectives aujourd'hui soient pas capables de restituer de quoi c'était le signe, quoi, quelque part. Bon, voilà, c'est ça que tu voulais comprendre. Oui, ouais. C'est important, là, sur les questions d'auteur, aujourd'hui et à 30 ans, hein, c'est important. Il y a aussi l'histoire contraire, que j'avais déjà raconté. On avait fait un film, ceux de Pédernec, avec Jean-Paul et etc. Puis, et Annie Caro. Annie Caro, oui. Et c'est le tacon qui se l'est attribué, parce que c'était un film breton. Donc, ça, c'est les joies du collectif. Oui, ouais, ce n'est pas attribué, il a dit... C'est breton, donc c'est nous qui diffusons, quoi. Voilà. Et puis alors, on n'était pas là pour savoir s'il disait c'est nous qui l'a... C'est Thorben qui l'a fait. Ça voulait dire Thorben, le collectif Thorben, qui voulait dire en breton Thorah des beignes. Voilà. Donc, ça ne veut pas qu'il décide son nom propre. Mais c'est vrai que moi-même, revoyant un film avec Johan il n'y a pas longtemps, moi, perso, un film, on travaillait beaucoup sur la ville, le logement. Le logement, les maisons vides, l'occupation des maisons. On travaillait là-dessus avec vous d'ailleurs, vous à Roubaix, moi à Paris et en Bretagne. Et j'ai vu mon nom sur le générique que j'avais mis moi-même. Et, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on mettait quand même le nom à un moment donné parce qu'on lui disait qui l'a fait. On mettait le nom, on s'est dit moi bon. Souvent, parce qu'il fallait signer et prendre la responsabilité de ce qu'on faisait. On s'était bon, c'est un peu théorique aujourd'hui, hein, parce que c'est pas toujours comme ça dans l'idéal, hein, c'est pas vrai toujours. Mais je trouvais mon nom avec celui de Geneviève Delbos dans le générique de fin du film sur les maisons vides du logement. Et il est vrai qu'il n'est pas très bon ce film. Il est pas très bon. Hein. Le générique était le voix off, le commentaire était en cours de réflexion. On l'a passé une fois en randag, ça a été l'horreur. Je voudrais signaler que par rapport à ce que tu disais sur l'aspect collectif, quelque chose de très important. Après 79, 80, etc., brusquement, on a vu arriver des réalisateurs de la télévision, des gens comme ça qui venaient se saisir des sujets. Et on a été obligé de remettre des noms parce qu'il y avait ça fait l'objet de lutte pour se saisir des sujets. Alors à tel point que nous, à partir de 75, on a par exemple fait la série... Alma Futur, on a tourné pendant 2 ans, etc. On a fait des tas de choses, des films, les montages ont duré très longtemps, etc. C'était pas du tout de l'improviser. Qu'est-ce qu'on voit arriver une fois que la réalisation s'était faite, que les habitants avaient atteint leur projet, des sortes de pirates qui venaient se saisir du sujet. Hein. Imaginez qu'à Montbéliard, bon, ça réussit, hop, on vient on vient prendre le sujet, etc. Et les conditions ont complètement changé à partir de là. Hein. Il a fallu retrouver des formes de signature. Hein, et ça s'est produit, et à partir des années 80, il n'y a plus de collectif au sens... Juste un point sur la question des collectifs, c'est qu'il y a une autre expérience qu'on a eue avant d'aller à Montbéliard, qui est extrêmement importante, c'est que moi j'étais établi à Rouen, et je connaissais, moi j'étais dans la métallurgie, et les copains étaient à Renault-Cléon. Ils étaient très sympas, ils étaient dans tout, on les appelait les sauvages de Cléon, ils faisaient plein d'actions comme mettre des vaches sur la chaîne, etc. Et à la gauche prolétarienne, c'était des liquidos de faire des actions pareilles. Donc il y avait un groupe extrêmement marrant. Et donc j'étais présenté à Hélène et Dante. Et pendant un an, on est allé les voir en disant on va faire un film, c'est trop fort, etc. Donc une fois tous les 15 jours, on allait, on discutait, on prenait des notes. Toutes les semaines, on tapait les notes, on leur rendait, on distribuait, on discutait. Et puis, l'été arrivant, on a dit, ce serait bien que quelqu'un écrive un scénario pour voir comment ce que ça peut donner. Donc, c'est Hélène qui s'y est collée. Elle a écrit un scénario tout l'été. Et puis, comme c'était souvent le cas quand même, la question du collectif était quelque chose qui bloquait très largement le fait de produire des choses. Et donc, quand on est rentré, on lit le scénario, devant eux, et puis c'est une camarade qui nous dit mais ce que vous faites là, c'est une prise de pouvoir. Comme pourquoi vous avez écrit ce scénario là pendant tout l'été, vous voulez prendre le truc en main, non? Alors et puis c'est parti en vrille comme ça très rapidement, et ça a été une lecture et ça a été fini. C'est-à-dire, faut voir aussi le climat de l'époque. C'est moi, j'ai plein de copains qui travaillaient avec Dario Fo. Ils ont éclaté parce que pendant 3 mois ils sont discutés, est-ce qu'on s'unit avant de jouer ou est-ce qu'on s'unit en cours de spectacle, et le procès, disons, de truc, ça fait qu'on sera unis, etc. On peut pas le poser en préalable. Donc il y avait deux tendances et toute la troupe a éclaté en deux. Il y avait quand même un poids de la décision directe de qui prenait le pouvoir et tout. Il n'y avait pas un endroit où on allait où la question, c'est qui prend le pouvoir, c'est machin, etc. Et c'était un poids terrifiant. C'est-à-dire, quand on est arrivé, après l'expérience qu'on a eue à Rouen, c'était juste après, hein, c'était dans la foulée, on n'était pas vraiment sûr d'arriver à faire quelque chose. C'est pas, il n'y avait rien de gagné, puisque c'était là les gens avec qui on avait travaillé, c'était vraiment des, mais c'est toujours, enfin, Jean-Claude qui était animé le groupe, c'est un frère, quoi. Et malgré tout, malgré ça, malgré tout ça, et Jean-Claude Bourgeois, c'est le groupe, on le voit dans le film d'Hélène sur les prisons, c'est le groupe d'ouvriers qui parlent, etc. Ils sont formidables, et justement là, il y a une sorte de fonctionnement intestin viscéral qui fait qu'à un moment donné, les groupes à l'époque en venaient très facilement à se déchirer sur attention, là tu as fait un pas de trop et clac, ça s'arrêtait net. Excuse-moi Stéphane, mais entre la GP et la figure de l'auteur un peu démiurgique, normalement il y a quand même du possible. Et j'ai l'impression que ce possible-là aujourd'hui, c'est avec un festival. C'est ce possible-là, c'est comme s'il avait disparu aujourd'hui. Alors effectivement, la GP, elle a fait naufrage, donc il ne reste pas plus que la figure de l'auteur comme possibilité de production. Non, mais, Moi, j'ai une expérience politique, c'est pas vrai. Non, mais la seule chose, si tu veux, c'est que l'établissement n'est pas porté que par la gauche prolétarienne. C'est important, d'abord. Et donc, c'est une pratique sociale qui est différente de celle d'une organisation politique. Donc, les gens qui ont une affinité de cette génération-là n'ont pas d'affinité particulière parce qu'ils ont appartenu à VLR, au PCMLF, à la gauche prolétarienne, ou je ne sais pas quoi. Mais parce que, voilà, ils ont passé 2 ans... pour essayer de comprendre si oui ou non tout allait se passer, comme c'est dit dans les textes, dans la classe ouvrière. C'est quand même une question qui était dite par tout le monde. Donc, c'est le minimum de curiosité quand t'es, voilà, tu vas faire l'enquête, quoi. Tu vas voir si ça... Effectivement, nous, au bout de 2 ans, on a dit à tous les ouvriers avec qui on travaillait à Rouen, votre seul devoir, c'est de fuir le plus loin possible et de faire autre chose. Sinon, vous êtes morts. Et donc, il y a 10 personnes qui étaient avec nous à Rouen qui sont parties. Et nous, on est partis aussi parce que... C'est quelle année votre expérience à Rouen? Donc, c'est 70-71. Ah. Vous étiez à Rouen? Rouen. Au moment où il y a eu l'explosion dans le bâtiment universitaire, vous vous rappelez pas? Non, moi, j'ai suivi après. Ah, d'accord. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. J'ai beaucoup insisté sur la rencontre, mais je pense que c'est... Je reviens, moi, je suis un peu monomaniaque. Je reviens sur ces films. Je pense que c'est aussi un film de départ. Et ils ont assez bien capté ça. Par exemple, quand la... comment elle s'appelle, la femme du torero espagnol... Marouk. Elle dit... La femme, hein? Oui, Marouk. D'accord. Elle dit qu'elle aime beaucoup son mari, etc., etc. Mais elle dit quand même, être ouvrier, c'est renoncer. Et c'est assez radical quand une épouse dit ça de son mari. Être ouvrier, c'est renoncer quand il a été toréador. Donc là, ils l'ont capté. C'est de la rencontre, mais c'est de la rencontre qui est un peu fixée quand même sur la fuite. Vous insistez, c'est un film qui insiste un peu sur les fuites. Et ça, ça ne vient pas principalement de Gatti-Armand, mais ça vient en bonne partie de Gatti-Stéphane. Je veux dire que là, y a, dans les rencontres, il y en a une qui me semble intéressante, qui n'est pas dite par Stéphane, mais moi, je me lance, je risque rien. Mais je pense qu'il y a une rencontre de génération qui ont des expériences très différentes. Hélène Châtelain permet cette rencontre, et qu'il y a donc quelque chose de très complexe, comme alchimie, que se joue entre une femme qui est d'âge intermédiaire, qui est le parcours tout à fait différent, d'Armand Gatti et de Stéphane Gatti. Et... chaque époque fait ses rencontres. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des possibilités. Mais chaque époque est porteuse de rencontres qui sont spécifiques. Il suffit de les chercher.